Bonjour à tous, fidèles auditeurs de la Radio Sanganiro. Bienvenue à cette édition de la mi-journée, dont voici d'abord le grand titre. Célébration ce mardi pour la première fois de la journée du patriotisme. Cette journée se déroule au monument du feu président Pierre Nkurunziza. C'est dans la capitale politique de Gitega. Ça a été aussi une occasion de suivre un discours de feu Nkurunziza où il appelait les Burundais à aimer leur patrie. Des réflexions menées sur les événements de 1972 seront également menées pour d'autres crises qui ont endeuillé le pays. Ce sont les informations qui ont été fournies par le président du Sénat. Vous l'entendrez dans cette édition Chronique Santé de ce mardi. Dr Gilbert Nibitanga va nous parler de la dysménorrhée, qui est une menstruation difficile et douloureuse. Yvette Nijimbere est à la présentation de ce journal. La mise en onde est assurée par Eric Wiman. Encore une fois, bienvenue. C'est ce mardi qu'a lieu pour la première fois la célébration de la journée du patriotisme dans la capitale politique Gitega. Cette cérémonie présidée par le président de la République se déroule au monument d'Ofé, président Pierre Nkurunziza. Parmi ceux qui sont présents à cette cérémonie figurent le vice-président de la Tanzanie et les ambassadeurs accrédités à Bujumbura. Les détails avec Arthur Kavaouch. Ces cérémonies de commémoration de la journée du patriotisme se déroulent au monument de feu président Pierre Nkurunziza, situé au quartier Musinzira, dans la commune et province de Gitega, la capitale politique, et se tiennent au moment où le Parlement a voté ce lundi la loi portant Pierre Nkurunziza au titre de guide suprême du patriotisme. Parmi ceux qui sont présents dans ces cérémonies, on peut citer ici la famille du défunt président Pierre Nkurunziza, le président de la République, le premier ministre, les présidents des deux chambres du Parlement, ainsi que les représentants provinciaux qui sont assis par province d'origine. À côté de cela, on peut citer ici la présence du vice-président de la République unie de Tanzanie, les ambassadeurs accrédités à Bujumbura et les leaders des différentes confessions religieuses. Cette cérémonie est également marquée par l'absence du tambour, vu qu'on ne peut pas battre le tambour près d'une tombe. Ces cérémonies qui sont présidées par le président de la République ont débuté vers 10h17 et il est prévu la pose des gerbes de fleurs sur la tombe et les discours de différents invités. Depuis Gitega, Arthur Kavaouchi pour la radio Sanganiro. Merci Arthur Kavaouchi. Lors de ces cérémonies, ça a été une occasion de suivre un discours de feu président Nkurunziza où il appelait tout Burundais à aimer sa patrie pour laisser un bon héritage au pays. Pierre Nkurunziza avait également remercié tous ceux qui ont contribué pour sauvegarder et asseoir la paix au Burundi. Suivez-le, il est traduit en français par Armel Mutore. Nous sommes reconnaissants à l'égard de tous ceux qui se sont sacrifiés pour garantir la pérennité de la paix et la sécurité du pays. Citons notamment le peuple, les administratifs, les corps de sécurité et les corps de défense, les instances judiciaires, sans oublier les amis du Burundi qui nous ont soutenus dans divers projets. Méditons sur notre pays et comprenons d'où nous venons pour savoir où nous nous acheminons. Ne nous leurrons pas, une grande partie des Burundais n'ont pas encore conscience de l'importance de la nation. Cela conduit de temps à autre à des égarements et à des écarts de comportement dus à l'ignorance ou à la déloyauté envers le pays et à la traîtrise envers ses compatriotes. Nous devons, comme une nation, comprendre ensemble ce que nous représentons et ce que nous devons accomplir en tant que Burundais. Comprendre que nous sommes tous de passage et que nous avons le devoir de laisser un bon héritage pour le bien et l'avantage des générations futures. C'est un appel à tous les Burundais, sans oublier ceux qui ont une double nationalité et les Burundais de l'étranger. C'est pas un secret que certains compatriotes de la diaspora oublient ce qu'ils sont. Nous souhaitons qu'ils se ressaisissent et qu'ils reviennent sur le droit chemin. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'on n'est jamais mieux que chez soi? Aucun pays, aucune nation ne peut remplacer sa propre patrie. Le Burundi appartient aux Burundais et c'est une propriété commune, un don de Dieu que chaque Burundais doit sauvegarder en tout et partout. L'administration communale de Mokasa ordonne aux propriétaires des maisons et bâtiments proches des routes principales dans cette commune de les peindre jusqu'au 27 juin courant. Renova Sindayebura, administrateur de cette commune, a indiqué que c'est dans le cadre des préparatifs de la célébration de l'indépendance de la République du Burundi qui est prévue le 1er juillet de chaque année. Suivez Renova Sindayebura. La période où nous accrochons la célébration de l'indépendance qui est toujours célébrée le 1er juillet, nous avons déjà demandé à la population, surtout la population de notre commune, la commune de Mokasa, surtout les propriétaires des parcelles se trouvant sur les axes principaux, surtout dans la zone de Rohiro, d'essayer de peindre leur maison pour se préparer à cette fête nationale. Nous avons donné un délai de 3 semaines parce que vous voyez que le 1er juillet approche pour que toute la population puisse célébrer cette fête nationale dans la sérénité et dans la beauté. Pour ce qui concerne l'administration, nous sommes en train de tout faire pour bien aménager les espaces publics, pour peindre les espaces des avenues et des boulevards en fonction des priorités et d'essayer d'enlever tous les déchets dans notre commune, surtout sur la voie publique, afin de bien célébrer cette journée, de cette fête nationale de l'indépendance. Captez Isanganilo, écoutez la différence. À 13h passées de 3 minutes dans les studios de la radio Sanganiro, poursuivons notre édition de la page Justice. 4 personnes, dont des conseillers de la commune Makamba, un secrétaire de la commune Makamba et un secrétaire au cabinet du gouverneur, passent leur deuxième nuit au cachot du commissariat communal de Makamba. Une information également confirmée par l'administrateur de cette commune qui a néanmoins se réserve le commentaire à propos des mobiles de cette arrestation qui est entre autres falsification des documents administratifs. C'est des conseiller arrêté avait récemment écrit une correspondance au gouverneur de la province Makamba dans laquelle il tirait au clair ce qui, selon eux, pousserait l'administrateur à refuser qu'il continue à occuper leur poste. C'était après que le gouverneur de la province Makamba ait envoyé une correspondance au président du conseil communal de Makamba, le mettant au courant des personnes dont les noms n'avaient pas été approuvés pour occuper les postes des conseillers de l'administrateur de Makamba, dont c'est des conseillers. Au niveau de la police, l'on indique que c'est pour question d'enquête qu'elles sont arrêtées. Une pénurie d'eau dans différents centres de Gihanga et Manda, en province Bubanza, inquiète les habitants qui craignent les maladies domiciales qui sont devenues cycliques dans ces localités. Ils demandent aux autorités de suivre de près la situation. À la régie des eaux, on explique que le manque d'eau a été causé par des pannes localisées à Moussigny, en commune Manda et à Gihanga, et ces pannes sont en train d'être réparées. Nous allons revenir sur cet élément dans nos éditions ultérieures. Poursuivons notre édition de la page Justice traditionnelle. Les enfants ne devraient pas être victimes des malfaçons de leurs parents dans le passé et il ne faut pas globaliser quant aux acteurs des différentes crises qu'a connu le Burundi. Dans une rencontre ce lundi avec les responsables des médias, Emmanuel Sinzohagera, président du Sénat burundais, a informé que des réflexions menées sur les événements de 1972 seront également menées pour d'autres crises qui ont endeuillé le Burundi. Il a en outre précisé que ces conférences ne chevauchent pas avec l'émission de la commission Vérité et Réconciliation, le point avec Mireille Kanyang. On vient de m'indiquer que l'élément sonore n'est pas disponible. Nous allons y revenir dans notre édition ultérieure. Isanganiro. La radio Sanganiro, nous allons vous informer de la chronique santé que nous avons aujourd'hui. Ce mardi, on vous parle de la dysménorrhée, laquelle est une menstruation difficile et douloureuse. Docteur Gilbert Nibitanga, gynécologue, précise que la douleur est le symptôme majeur senti avant les règles, au début, vers la fin ou pendant toute la durée de menstruation. Il ajoute que la dysménorrhée peut être due à une anomalie de l'utérus. Le point avec Ornella Mucho. Radio Isanganiro, chronique santé. La dysménorrhée est une douleur qui précède, accompagne ou suit la menstruation. Docteur Gilbert Nibitanga, gynécologue, signale qu'il y a deux catégories de dysménorrhée. La première est primaire, pouvant durer entre 1 ou 2 jours. Elle touche beaucoup plus les femmes âgées de moins de 20 ans. Et quant à la dysménorrhée secondaire, une cause organique est souvent à l'origine, c'est-à-dire des infections génitales chroniques. L'endométriose, qui est la cause la plus fréquentée de dysménorrhée secondaire, et ou les fibromes. La dysménorrhée l'amenorrhée primaire et qui est caractérisée par l'apparition des douleurs pelviennes à l'occasion des règles qui peuvent irradier vers le périnée, les lombes et puis et le reste de l'abdomen. Et puis ces douleurs, elles présentent souvent un maximum la veille ou le premier jour et puis ça peut céder lorsque l'écoulement du sang augmente d'importance. Ces femmes-là qui ont des dysménorrhées primaires, elles peuvent avoir des vomissements, diarrhées. Pour des dysménorrhées secondaires qui sont dues à des pathologies pelviennes, il peut arriver que ces dysménorrhées sont dues à l'endométriose ou bien si ces dysménorrhées sont dues aux fibromes, aux infections. Les règles sont plus douloureuses chez la jeune fille ou femme durant les premiers jours de menstruation. Docteur Nibitanga. Pourquoi est-ce que ces femmes-là souffrent beaucoup lors des premiers jours des règles? C'est parce que lors des premiers jours, le canal du col n'est pas tout à fait ouvert pour que le sang s'écoule facilement. Et puis, plus le sang s'écoule, à ce moment-là, le canal cervical s'ouvre grandement. Et puis, si l'écoulement du sang augmente de quantité à ce moment-là, les douleurs peuvent s'éteindre facilement. Il fait savoir également que ces douleurs peuvent diminuer après l'accouchement. Avant le mariage et avant de mettre au monde, les jeunes filles ont un canal du corps qui est tout à fait étroit, donc qui ne laisse pas couler facilement sa menstruel. Mais après l'accouchement, le canal cervical s'élargit, et puis en s'élargissant, le sang menstruel s'écoule facilement, ce qui entraîne que les contractions utérines ne sont pas de grande intensité pour faire pousser le sang qui se trouve dans la cavité utérine. Docteur Gilbert Nibitanga expliquera dans notre prochaine chronique santé la prise en charge des dysménorrhées et les conséquences qui peuvent surgir en cas de non-traitement. Merci, Ornella Mouche, c'est par ici que nous mettons pour finir ce journal. Nous vous remercions vous tous qui avez été à l'écoute, mais pour ceux qui nous ont captés au cours de cette édition, nous vous rappelons les principaux titres. Célébration ce mardi pour la première fois de la journée dite patriotisme. Cette journée se déroule au monument du fait président Pierre Nkurunziza dans la capitale politique de Gitega. Au cours de cette célébration, ça a été aussi une occasion de suivre un discours de Pierre Nkurunziza où il appelait les Burundais à aimer leur patrie. Des réflexions menées sur les événements de 1972 seront également menées pour d'autres crises qui ont endeuillé le pays. Ce sont les informations qui ont été fournies par le président du Sénat. Vous l'avez entendu dans cette édition. Chronique santé de ce mardi, Dr Gilbert Nibitanga nous a parlé de la dysménorrhée qui est une menstruation difficile et douloureuse. C'est par ici que nous clôturons ce journal. Merci à vous tous qui m'avez prêté oreille attentive. Merci à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique. Vétenu Jimbeleki, au micro, vous souhaite de passer une excellente journée.